1 Pierre chapitre 2. Vous étant donc dépouillés de toute malice et de toute fraude, de dissimulation, d'envie et de toute médisance, désirez ardemment, comme des enfants nouvellement nés, de vous nourrir du lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon, et vous approchant de lui, qui est la pierre vive, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse, vous aussi comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle, et une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion la maîtresse pierre du coin, élue et précieuse, et celui qui croira en elle, ne sera point confus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, mais par rapport aux rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, est devenue la maîtresse pierre du coin, une pierre d'achoppement, et une pierre de scandale, lesquels heurtent contre la parole, et sont rebelles, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mes bien-aimés, je vous exhorte que, comme étrangers et voyageurs, vous vous absteniez des convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête avec les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme de malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, pour vos bonnes œuvres qu'ils auront vues. Soyez donc soumis à tout établissement humain, pour l'amour de Dieu, soit au roi, comme à celui qui est par-dessus les autres, soit au gouverneur, comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir les méchants et pour honorer les gens de bien. Car c'est là la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres, et non pas comme ayant la liberté pour servir de voile à la méchanceté, mais comme serviteurs de Dieu. Portez honneur à tous. Aimez tous vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Car c'est une chose agréable à Dieu, si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure des afflictions, souffrant injustement. Autrement, quel honneur en aurez-vous, si recevant des soufflets pour avoir mal fait, vous le souffrez patiemment? Mais si en faisant bien vous êtes pourtant affligé, et que vous le souffriez patiemment, voilà où Dieu prend plaisir. Car aussi vous êtes appelés à cela, vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de fraude. Qui, lorsqu'on lui disait des outrages, n'en rendait point, et quand on lui faisait du mal, n'usait point de menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement, lequel même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure duquel même vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes convertis au pasteur et à l'évêque de vos âmes.